Tour de chauffe. Dans la rue, Aimé confectionne un nœud compliqué autour du porte-bagage de Lila avant d'effectuer une large boucle avec la corde qu'il passe derrière le dossier de mon fauteuil. Il fabrique un nouveau nœud embrouillé au niveau de mon torse dans une manière de ceinture de sécurité. Ayant éprouvé la solidité de la chose, il pétille de l'œil, frétille de la moustache. Hey, ça va, j'ai pas trop perdu la main, moi. Nœud de guide à l'arrière, nœud de drisse à l'avant. Puis il entend de sa voix de baryton un court extrait d'une chanson marine osée, à la fin de laquelle il s'esclaffe. Je ne l'ai jamais entendu chanter. Il a l'air tellement heureux. La pétulance de Lila l'a bousculé, lui arrachant de gros morceaux de jeunesse. Aimé nous propose de faire un petit tour de quartier afin d'essayer l'attelage. Ni une ni deux, Lila enfourche la bicyclette. Cette fille est pourvue d'une vivacité hallucinante. Chaque information actionne ses muscles sans même prendre le temps de faire un aller-retour au cerveau. Moi, qui pèse sans cesse le pour et le contre pour mes moindres agissements, j'envie cette capacité. Elle doit faire gagner un temps invraisemblable. « Tais-toi, Miloche, profite, » me lance une voix intérieure. Ça y est, me voilà à nouveau en train d'auto-censurer mes pensées, à me tenser de cesser mes réflexions égocentrées pleines d'un complexe d'infériorité, et le cercle vicieux recommence. Je ne peux pas assister au talent de vie des autres sans faire de comparaison. Tout tourne encore autour de moi. Là où je devrais admirer, vivre, participer, j'oppose sans cesse ma petite personne. Mes pensées improductives sont interrompues par une accélération brutale qui me colle au siège. Oh, pardon, Mimi, faut que je me règle. Et nous voilà partis dans un tour de quartier d'un genre peu commun. Lila, devant, à 5 mètres, debout sur les pédales, mène l'étrange équipage sur un rythme plutôt rapide, avant de trouver sa vitesse de croisière encore augmentée. Autant le dire, je ne suis pas rassuré du tout. Dans les virages, je suis obligé d'actionner avec la main la roue extérieure à la courbe afin de la faire tourner plus vite que l'autre. Sinon, c'est le tout droit dans le mur, l'effondrement, l'écrasement de mon être, la rupture de la plaque en métal qui m'immobilise le fémur, un nouveau séjour à l'hôpital, la destruction de mon fauteuil. La catastrophe, quoi. Ajoutez à cela la chute de ma guide, son corps frêle le projeter par-dessus le vélo, vous obtiendrez un tableau apocalyptique dans les tons de carmin. Si je pense au pire par habitude, je n'ai aucun doute sur le fait que Lila n'a même pas envisagé la possibilité de l'éventualité d'un soupçon de début d'accident. Cette fille agit, je vous dis, et n'anticipe rien. Si ce doit arriver, ça arrivera. On verra par la suite l'attitude à adopter. Un comportement simple en apparence, plutôt plus logique qu'autre chose, mais qu'on a dans le sang ou pas. Dans la longue ligne droite longeant le boulodrome, le corps ébranlé, la bouche déformée, les joues secouées par les irrégularités de la route, j'étudie le fauteuil. Il doit bien y avoir un système de freinage là-dessus. Les fabricants ont quand même dû penser à cela. À moins que ce modèle ne fasse partie d'un des bras armés d'une politique d'épuration visant à rayer les invalides de la surface de la Terre. J'abandonne cette idée et je me réconcilie temporairement avec le gouvernement à l'instant où je trouve 2 manettes de chaque côté du fauteuil. Je les essaie prudemment. En effet, nous ralentissons lorsque j'effectue une brève pression. Constatant une indépendance de chacun de mes 2 freins, je les teste l'un après l'autre. Je commence à effectuer des zigzags incontrôlés. Quand je parviens à me remettre dans l'axe, sous les cris répétés de Lila qui me demande si je veux nous tuer, j'ai compris la façon de prendre des virages. Je parviens à dompter quelque peu la machine et le rodéo mécanique prend presque des allures de manège. Jusqu'au moment où nous revenons dans la rue de la roue qui file. Je vois Aimé, au loin, qui nous regarde les mains sur les hanches, l'air effaré. Il se rapproche très vite sans se déplacer. Lila n'a pas modifié son rythme d'un iota. La sueur me monte au front. Je lui hurle de ralentir. Elle pile sec devant Aimé. En écrasant mes stupides poignées de frein, je dépasse Lila en crispant les mâchoires, les yeux exorbités. Mon cœur cogne à tout rompre. Quand la corde se tend, j'exécute un demi-tour parfait dans un dérapage. Fracas. Le vélo de Lila est tombé, sa conductrice l'a suivi. Les fesses sur le goudron, elle s'inquiète de moi. « Ça va, Mimi ?»« Oui, très bien. » Elle éclate de son beau rire en se relevant, et son hilarité fait tache d'huile. Contaminés, nous lui emboîtons les zygomatiques. La rue se remplit de joie. Les façades ternies de nuit adoptent des tons vifs. L'Italie s'invite chez nous. Pendant que j'assiste à ce spectacle, la peur tarie décuple mon rire. Je suis tout étonné d'entendre ces éclats s'élever de ma bouche à moi. Aimé s'esclave lui aussi en tapant dans ses mains. Son hilarité fait plaisir à voir. Quelle belle invention que le rire, pensais-je en observant mes amis. Mon regard s'attarde alors sur les détails du visage de Lila et je suis pris d'étranges sensations. Il ne s'agit pas tout à fait de la même chaleur que celle que je ressens après la lecture d'un roman adoré, ni en face d'une belle œuvre d'art. C'est ici autre chose, de l'ordre d'un certain malaise général, un inconfort illogique, dirais-je, puisque comportant à forte dose ses côtés agréables. J'essaierai de trouver les mots justes à la maison. Les regards se tournent vers moi. Il paraît que j'ai les cheveux en pétard. Légèrement mal à l'aise de n'être pas plus présentable et d'avoir été surpris dans ma contemplation, je passe une main aux doigts écartés dans ma tignasse afin de retrouver une coiffure non pas normale, mais habituelle. Nous restons suspendus tous les trois, silencieux un instant, soudés par cette complicité vivifiante privée de gravité. Je n'ai pour ainsi dire jamais connu cela. C'est... Bon, prêt pour le grand voyage, Mimi ? Atterrit Lila. Oui, je crois. Ça t'ennuie de m'appeler Miloche ? Tu n'aimes pas mon prénom ? Oh, excuse-moi, Mimi, Miloche. J'aime beaucoup ton prénom, mais j'ai tendance à donner des diminutifs à tout ce que je croise. Promis, je vais essayer de t'appeler Miloche, Miloche. Merci, c'est juste que je me suis habitué à mon prénom. Tu changeras jamais, toi, me lance Aimé en ébouriffant mes cheveux qui, décidément, n'ont aucune suite dans les idées ce soir. Avant de vous laisser battre la campagne, je vais jeter un coup d'œil à ces freins. Joignant le geste à la parole, il actionne le système en technicien. Ouais, mais c'est normal que ça marche pas. Le freinage se fait sur le pneumatique. Quel sagouin. Tu vas voir, je vais te bricoler deux freins dignes de ce nom. Bon, par contre, il va falloir que tu descendes de là. Je vais avoir besoin de percer, souder, visser, et je voudrais pas t'esquinter un peu plus. Les voilà donc tous les deux affairés autour de moi pour me lever et m'asseoir dans le fauteuil favori d'Aimé. Je les aide du mieux que je peux de ma jambe valide, honteux de devoir faire appel à quelqu'un pour les petits gestes de la vie quotidienne. Je précise à Aimé de ne pas trop customiser mon fauteuil, il ne m'appartient pas. T'inquiète, quand tu pédaleras à nouveau comme un cabri, je te remettrai tout comme avant. Ça me fera mal, mais je replacerai ces freins minables exactement comme ils étaient. Quand la moustache courroucée d'Aimé a disparu vers son atelier, nous restons seuls avec Lila, dans la pièce poussiéreuse. Elle est en train d'éponger une plaie sanguinolente à son genou droit. Vous vous êtes fait mal, Lila ? Non, c'est rien du tout. Une égratignure, comme dans la cour de l'école. Dans 2 jours, il y aura une croûte que je ne pourrai pas m'empêcher de gratter, puis il y en aura une autre que je laisserai peut-être tranquille. Les plaies au genou, c'est comme les plaies du cœur. Si t'y touches pas, ça cicatrise, et on voit presque plus rien au bout d'un moment. C'est joli ce que vous dites là, Lila. Vous l'avez déjà écrit sur une feuille d'arbre ? Peut-être. Tu sais, j'écris ce qui me passe par la tête. Dès que c'est fait, j'oublie. L'automne froisse le fruit de mes pensées, et l'hiver les enterre. Le cycle de la vie. Grâce à ça, j'ai l'impression de renaître au printemps. Peut-être que je tourne en rond, peut-être que j'écris chaque année les mêmes poèmes, va savoir. Vous n'écrivez pas sur du papier l'hiver ? Non, je ne suis pas doué pour ça. En hiver, je crois que mes mots sont en bourgeon, ils hibernent, et moi avec eux. Alors je me promène, je me remplis la tête d'impressions, de la jolie lumière de décembre, du froid sec de janvier, de la longueur de février. C'est le mois le plus court, pourtant il ne finit jamais, tu as remarqué ? Oui. T'es un type bizarre, toi. T'es une des seules personnes que j'ai croisées à ne pas me demander à quoi ça sert d'écrire des poèmes sur des feuilles. Ah bon ? Vous avez envie que je vous le demande ? Mais non, non, ça m'étonne, c'est tout. Ah bon ? Tant mieux alors, tant mieux. Et Aimé, il vous l'a demandé ? Non plus. Il m'a juste dit « T'es une originale, toi. Il faut que je te présente quelqu'un. » Ah bon ? Qui ? C'est bien ce que je disais. T'es vraiment un type bizarre ? Je ne sais pas. Tu fais quoi dans la vie ? Plein de choses comme les autres. Je mange 3 fois par jour, je dors, je me lave, Miloche. Tu te fous de moi ? Bien. Je voulais dire, tu vis de quoi ? T'as un métier, une passion ? Oui, je vis de ma passion pour les vélos et pour le marbre. Le marbre ? Oui, je suis... Enfin, je sculpte des formes en marbre. Il y en a dans la vitrine d'Aimé. Waouh ! Je les ai vus. J'adore ! On dirait des nuages. Oui, il paraît. Monsieur est un artiste, alors. Où tu exposes ? Chez moi, chez Aimé, chez Lolek et Danka, des amis. C'est tout ? Oui. Tu n'as jamais eu envie d'exposer ailleurs ? En galerie ? Pourquoi ? Pour vendre tes sculptures, par exemple. Pourquoi ? Mais pour avoir de l'argent, Mimi. Pourquoi faire ? Bon, ok, disons que je n'ai rien dit. On joue aux dames ? Sans attendre de réponse, Lila s'empare du jeu de dames qui trône sur le comptoir d'Aimé, à côté d'autres jeux de société auxquels nous jouons parfois jusqu'à tard dans la nuit. Elle prend les blancs, moi les noirs. Je n'ai pas l'impression d'avoir le choix. Nous commençons la partie, tandis que j'entends des bruits stridents de scie, de perceuse, des jurons et des coups sourds sortant du petit atelier d'Aimé. Lila gagne la première. Elle réfléchit très rapidement, exactement comme elle parle. Je gagne la seconde sur le fil. Elle joue ses coups sans avoir l'air de se concentrer, me mettant pourtant en difficulté à chaque fois. Tandis que je prends mon temps pour cogiter, elle tourne la tête dans tous les sens, déplace des petits objets, se lève. Bien entendu, elle gagne la belle. Lila range le jeu à sa place et nous attendons en silence. Je suis bien. Nous sourions au fréquent hurlement d'Aimé. Il fait preuve d'une invention notable en matière de grossièreté. Je suis parti loin dans mon monde quand il nous rejoint triomphant en poussant le fauteuil. « Et voilà » annonce-t-il, quelques cheveux collés par la sueur sur son front taché de graisse. « Miloche, je te présente ton nouveau fauteuil de compète. Je t'ai mis 2 belles poignées de frein à 2 morts chacune. Frein en caoutchouc de première qualité, bien sûr. Tu peux te faire tracter par un camion maintenant. Tu freines, tu le stoppes net. » J'ai rajouté un harnais amovible, vissé à l'avant du fauteuil pour accrocher la corde. J'ai bien pensé à l'airbag, mais il me manque des pièces. Grâce à un ingénieux système breveté Aimé, avec un copyright, la roue qui file, ce harnais pivote sur lui-même grâce à 2 papillons et se transforme en porte-roman. Ainsi, tu pourras lire confortablement sans avoir à poser ton livre sur les genoux et ainsi économiser ta nuque. C'est très douloureux le mal de nuque, tu sais. Ça peut provoquer des migraines ou des étourdissements. T'es jeune, toi. Tu te soucies pas encore de ça. Mais tu verras plus tard. Tu te diras « Aimé avait raison ». Et attention, merveille des merveilles, je t'ai placé une dynamo sur chaque roue qui alimente chacune un gros phare des 2 côtés de ton siège au niveau de la tête. De loin, tu vas ressembler à une grosse libellule. Le souci, c'est que j'ai peur que t'éblouisses un peu trop les voitures. Alors, que penses-tu de ton fauteuil ? C'est superbe, Aimé. Je ne sais pas comment te remercier. Comme si j'avais besoin de ça. Tiens, on va dire que c'est ton cadeau d'anniversaire, Miloche. Bon anniversaire. C'est ton anniversaire ? M'interroge Lila. Peut-être. Je ne retiens jamais la date. Alors des fois, Aimé décide que c'est mon anniversaire. C'est dommage que tu m'en aies pas parlé avant, Aimé. J'aurais fait un gâteau. Désolé, Miloche, j'improvise, me dit-il en détachant bien les mots, comme pour sacraliser son acte d'improvisation. On est parti ? Me lance Lila. Son ton décidé, ne souffrant aucune discussion, on m'aide à me positionner dans mon fauteuil de compétition. Aimé accroche solidement la corde grâce à son fameux nœud de marin. Je le remercie chaleureusement tandis qu'il me remet mon panier sur les genoux, rempli de choses diverses. Et des fameuses pédales. Allez les enfants, bonne route! Nous démarrons aussitôt après que j'ai brièvement expliqué à Lila la direction à prendre. Elle connaît le coin. J'agite la main en direction d'Aimé. Il répète encore rigolard. C'est pas banal ça, c'est pas banal! Et les éclats de sa voix rebondissent pour se perdre lentement dans les rues. Je cale mes mains sur mes nouvelles poignées de frein, me sentant tellement en sécurité. Je sais bien que la mécanique n'y est pas pour grand-chose.